Divers pays ont rapporté les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse cubaine Prensa Latina, le journal Nepal Today, le journal sénégalais Le Populaire, les radios nationales internationales et en cette langue nationale de Guinée et l'homepage internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des Inspections ont reproduit que le maréchal Kim Jong-un a inspecté la centrale des jeunes héros de Baek-Tusan numéro 3 achevée à merveille. Le journal Koei Times, l'agence de presse Gulf News des Émirats Arabes Unis, le journal sud-africain The Star, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, les homepages internet du Comité national d'études des études du Congo démocratique et de l'Association d'amitié Baek-Tusan Tchèque-Corée, le homepage internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des Inspections, ont informé de son inspection du lancement expérimental de l'engin balistique du sous-marin stratégique en plongée. Les homepages internet ont présenté les photos du maréchal coréen.